tu dors peut-être. Moi je ne peux pas par la fenêtre. Je vois la terre en bas. Ici tout me dépasse, même le silence et les aiguilles qui passent sur ton absence. À quoi tu rêves? As-tu des envies? Connais-tu la fièvre? Froisses-tu ton lit? Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. M'en aller sans raison, ne plus donner signe de vie. Respirer d'autres pas, essayer d'autres lits. Me perdre par hasard, oublier qui je suis. Oublier qui je suis. Je sais que c'est ridicule, mais c'est plus fort que moi. Je déambule, je fais le tour de moi. Et si tout me dépasse, c'est que je suis un lâche. Comme ces aiguilles qui passent, autant qu'ils nous détachent. Le monde est tellement con, j'ai envie de partir d'ici. Le monde est tellement, tellement...